pendant plus de 8 ans, l'armée ukrainienne et les combattants des formations nationalistes ont tué et continuent de tuer en toute impunité les habitants du Donbass, seulement parce que ces derniers avaient refusé de reconnaître les résultats du coup d'État criminel, anticonstitutionnel et sanglant à Kiev. Ils ont décidé de défendre leurs droits qui étaient garantis par la Constitution de l'Ukraine, y compris le droit d'utiliser librement leur langue maternelle russe. Rappelez-vous qu'en 2015, le premier ministre ukrainien de l'époque, M. Yatsenyuk, a déclaré que le Donbass était peuplé de sous-hommes. L'actuel président, M. Zelensky, ne s'en est guère démarqué. Dans une énième interview, en septembre de l'année dernière, quand on lui a demandé ce qu'il pensait des habitants du Donbass, Zelensky a répondu « Vous savez, il y a les gens et puis il y a les créatures, les spécimens. » Afrique Média, le monde, c'est nous.